Les porteurs de lentilles de contact savent que la moindre poussière dans l'œil est une gêne insupportable. Il est évidemment conseillé d'avoir dans la boîte à gants un petit étui rempli de liquide de nettoyage et une paire de lunettes de rechange. Réponse A.